Unité 61. Conversation. Écoutez. Alors, qu'est-ce que tu as à me faire faire? J'ai un tas de coutures en retard. Quoi? Quelques boutons à recoudre sur les vêtements des enfants. Et peut-être aussi quelques ourlets allongés pour la rentrée? Oui, il faudrait leur faire essayer tous leurs pantalons et toutes les jupes de Laurence. Tous les deux ont dû prendre quelques centimètres pendant les vacances. Tu penses? Surtout Laurence. Répétez. Hein? Alors, qu'est-ce que tu as à me faire faire? 2. J'ai un tas de coutures en retard. 3. Quoi? 4. Quelques boutons à recoudre sur les vêtements des enfants. 5. Et peut-être aussi quelques ourlets allongés pour la rentrée? 6. Oui, il faudrait leur faire essayer tous leurs pantalons et toutes les jupes de Laurence. 7. Tous les deux ont dû prendre quelques centimètres pendant les vacances. 8. Tu penses? Surtout Laurence. Répondez, répétez. 9. Alors, qu'est-ce que tu as à me faire faire? 10. J'ai un tas de coutures en retard. 11. Quoi? 12. Quelques boutons à recoudre sur les vêtements des enfants. 13. Et peut-être aussi quelques ourlets allongés pour la rentrée? 14. Oui, il faudrait leur faire essayer tous leurs pantalons et toutes les jupes de Laurence. 15. Tous les deux ont dû prendre quelques centimètres pendant les vacances. 16. Tu penses? Surtout Laurence. Écoutez. 17. Geneviève, j'ai quelques lettres urgentes à vous dicter. 18. Vous pouvez attendre quelques minutes? Je voudrais terminer un petit travail. 19. Vous n'en avez pas pour trop longtemps? Je suis quelque peu pressé. 20. Non, seulement quelques instants, et je suis à votre disposition. Répondez, répétez. 21. Geneviève, j'ai quelques lettres urgentes à vous dicter. 22. Vous pouvez attendre quelques minutes? Je voudrais terminer un petit travail. 23. Vous n'en avez pas pour trop longtemps? Je suis quelque peu pressé. 24. Non, seulement quelques instants, et je suis à votre disposition. Écoutez. 25. Vous avez eu beau temps? 26. Penses-tu? Il a plu tout le mois de juillet. 27. Mais de toute manière, vous avez trouvé tous les jours quelque chose à faire. 28. Bien sûr. Quand nous sommes tous ensemble, les occupations ne manquent pas. Répondez, répétez. 29. Vous avez eu beau temps. 30. Penses-tu? Il a plu tout le mois de juillet. 31. Mais de toute manière, vous avez trouvé tous les jours quelque chose à faire. 32. Bien sûr. Quand nous sommes tous ensemble, les occupations ne manquent pas. 33. Alors, d'après vous, mes malaises viennent de mon foie? 34. Oui. De toute évidence, vous avez le foie fatigué. 35. Que me conseillez-vous? Une cure à Vichy? 36. Non. Tout le problème est de suivre un régime très strict. Ni matière grasse, ni alcool. 37. Et vous ne me donnez pas de médicaments? 38. Si. Tous les deux jours, le matin à jeun, prenez une ampoule d'Hépatol. 39. Et vous croyez que j'irai mieux? 40. Oui. Ne vous faites pas de soucis. Ce n'est pas grave. L'important est de surveiller votre alimentation. Répondez. Répétez. 41. Alors, d'après vous, mes malaises viennent de mon foie? 42. Oui. De toute évidence, vous avez le foie fatigué. 43. Que me conseillez-vous? Une cure à Vichy? 44. Non. Tout le problème est de suivre un régime très strict. Ni matière grasse, ni alcool. Quarante-cinq. Et vous ne me donnez pas de médicaments? Quarante-six. Si. Tous les deux jours, le matin à jeun, prenez une ampoule d'hépatol. Quarante-sept. Et vous croyez que j'irai mieux? Quarante-huit. Oui, ne vous faites pas de soucis, ce n'est pas grave. L'important est de surveiller votre alimentation. Écoutez. 49. Alors, vous êtes tous là? 50. Non, il manque Vincent. 51. Vous avez tout compris dans la leçon d'hier? 52. Non, moi je n'ai pas tout compris. 53. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? 54. Je n'ai pas compris la différence entre une base et un acide. 55. Tous les autres, vous avez compris? Il faut le dire. 56. Tout compte fait? Il vaudrait peut-être mieux que vous repreniez votre explication. Répondez, répétez. 57. Alors, vous êtes tous là? 58. Non, il manque Vincent. 59. Vous avez tout compris dans la leçon d'hier? 60. Non, moi je n'ai pas tout compris. 61. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? 62. Je n'ai pas compris la différence entre une base et un acide. 63. Tous les autres, vous avez compris? Il faut le dire. 64. Tout compte fait? Il vaudrait peut-être mieux que vous repreniez votre explication. Écoutez. 65. Vu le prix des hôtels, pourquoi ne ferions-nous pas du camping? 66. Mais il faudrait se répartir les tâches. 67. Chacun s'occuperait de quelque chose de précis. 68. Par exemple, Marie nous ferait à bouffer. 69. Un autre serait chargé du ménage. 70. Ou alors, chaque jour on change. Comme ça, chacun fera la cuisine, la vaisselle, le ménage, etc. Répondez, répétez. 71. Les hôtels ont vachement augmenté. On part quand même? 72. Vu le prix des hôtels, pourquoi ne ferions-nous pas du camping? 73. Camper? Pas question. Je me taperai tout le boulot. 74. Non, mais il faudrait se répartir les tâches. 75. Tu parles. 76. Non, chacun s'occuperait de quelque chose de précis. 77. C'est-à-dire? 78. Par exemple, Marie nous ferait à bouffer. 79. Et puis? 80. Un autre serait chargé du ménage. 81. Toujours les femmes aux casseroles. 82. Ou alors, chaque jour, on change. Comme ça, chacun fera la cuisine, la vaisselle, le ménage, etc. 83. Tous les jours, c'est la même chose. Je ne peux pas bosser. 84. J'en ai marre. Je suis dérangé à chaque instant par le téléphone. 85. Venez répondre chacun à votre tour. 86. Il y en a une qui fait hurler la radio. 87. L'autre écoute des disques toute la journée. 88. Pas moyen d'avoir la paix dans cette baraque. Répondez, répétez. 89. Tu n'as pas l'air de bon poil. 90. Tous les jours, c'est la même chose. Je ne peux pas bosser. 91. Pourquoi cries-tu comme ça? 92. J'en ai marre. Je suis dérangé à chaque instant par le téléphone. 93. Et alors, on y est pour quelque chose? 94. Venez répondre chacun à votre tour. 95. Après qui t'en as? 96. Il y en a une qui fait hurler la radio. 97. C'est défendu? 98. L'autre écoute des disques toute la journée. 99. Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. 100. Pas moyen d'avoir la paix dans cette baraque.